Chapitre 21e. Comment les relations de M. Denis et de Saint-Austrobert n'avaient-elles pas été rompues par la fuite de Marthe? C'est ce que Philippe, n'ayant plus accès à Châteaupignon, n'avait pu savoir, et c'est ce qu'il est utile d'expliquer. Quand M. Denis couchait à Châteaupignon, il avait l'habitude de se lever de bonne heure et de descendre au jardin où presque aussitôt Marthe venait le rejoindre. Alors, pendant que Mme Denis restait à sa chambre, ils se promenaient tous deux jusqu'au moment du déjeuner. Ils n'avaient jamais décidé cette promenade par des paroles précises. Mais il s'était établi entre eux un accord tacite si formel qu'elle était devenue, pour ainsi dire, réglementaire. Jamais Marthe ne l'avait manqué. C'était pour elle le seul moment de la journée où elle avait son père sans partage, où elle le retrouvait tel qu'elle l'avait vu autrefois avant son mariage. C'était l'heure de l'intimité, des confidences, des bavardages, de l'abandon et de la tendresse. Ils discutaient les changements qu'on exécuterait lors du prochain hiver. Ils suivaient les progrès des plantations faites pendant l'hiver précédent. Ils lui donnaient ses instructions pour la semaine dans laquelle on entrait. Elle lui rendait compte des travaux de la semaine écoulée. Le temps marchait rapide, heureux, et la cloche du déjeuner les surprenait presque toujours qu'ils avaient encore mille choses à se dire. « Ne pars pas demain trop tôt, » disait Marthe, « nous reviendrons. » Le dimanche matin, jour de la fuite de Marthe, M. Denis descendit plus tard qu'à l'ordinaire, car pour lui, la nuit avait été fatigante. Après son premier sommeil, qui était toujours solide, si grande que fussent ses préoccupations, il était resté longtemps éveillé, tourmenté de ce qui se passait, et assez inquiet aussi. C'était pour lui un cruel chagrin d'être en désaccord avec sa fille, et il fallait qu'il fût réellement bien convaincu de l'excellence de son droit pour ne pas céder. Pendant un quart d'heure, il marcha de long en large dans l'allée des platanes, s'attendant à voir Marthe arriver d'un moment à l'autre. Car il ne lui était pas venu à l'idée que, malgré leur dissentiment, elle pourrait manquer à leur promenade du dimanche. Enfin, comme elle ne paraissait pas, il descendit au jardin, désolé de cette bouderie de sa fille, la première qu'il remarqua chez elle. « Elle va me rejoindre, » se dit-il. Et convaincu qu'il allait la voir surgir au bout d'une allée, il ne s'éloigna pas du château. Mais les minutes, les quarts d'heure s'écoulèrent, les heures même, sans qu'il la vît. Alors l'inquiétude commença à le serrer au cœur. Si elle était malade, elle était bien pâle la veille. L'émotion, le chagrin lui avaient peut-être donné la fièvre. Il monta à sa chambre, il frappa, personne ne répondit. Il frappa de nouveau, et n'ayant pas obtenu de réponse, il entra. Vivement, il traversa la première pièce et, entrant dans la chambre, il marcha droit au lit. Il n'était pas défait. Au moment où il se retournait, se demandant ce que cela pouvait signifier, il aperçut sur le bureau de Marthe une lettre placée en évidence. Il s'approcha, l'enveloppe portait un gros caractère « Pour mon père, seul ». Il la prit, frappé d'un terrible pressentiment. Mais sa main tremblait tellement qu'il pouvait à peine lire. Cependant les mots « Je fuis, là où je me retire, adieu mon cher père » se détachèrent enfin de la lettre et flamboyèrent devant ses yeux comme s'ils avaient été tracés en caractère de feu. Parti, Marthe, ce n'était pas possible. Il s'assit, et ayant posé la lettre sur le bureau, il la relut. Le doute n'était pas possible. Il fallait se rendre à l'évidence, si cruelle qu'elle fût. Sa fille, sa fille! Il prit la lettre et descendit à la chambre de sa femme. Celle-ci, en le voyant entrer, fut épouvantée de sa pâleur. Ses mains tremblaient, la colère lui sortait des yeux. « Madame, dit-il, il se passe ici des choses terribles, monstrueuses !» Disant cela, il agita la lettre dans sa main en la froissant. Madame Denis ne se troublait pas facilement. Cependant, elle était dans une situation où le péril imminent amollit la fermeté la mieux trempée. Elle regarda son mari avec une émotion de trouble et d'effroi. « Que voulez-vous dire ? Demanda-t-elle. « Lisez cette lettre !» Elle prit la lettre et tout d'abord ses yeux coururent à la signature. C'était de Marthe. Elle respira. De Marthe, elle n'avait rien à craindre. Elle lut alors la lettre. « Vous voyez, dit M. Denis, c'est ma fille. Elle fuit la maison. Elle me fuit, moi, qui l'aimais tant. Oh les femmes, tout est donc possible avec elle. Mon ami, c'est de ma fille que je parle. Ce n'est pas de vous, Éléonore. Donnez-moi votre main, que je sente que tout n'est pas tromperie en ce monde et qu'il me reste un cœur pour me soutenir et me consoler. » Il resta un moment accablé sous ce coup qui le frappait si durement dans ses sentiments de père, dans son amour et sa tendresse. Mais bientôt, la colère reprit le dessus et sa fierté outragée se révolta. « Le monde ! S'écria-t-il en abandonnant la main de sa femme. « Que va dire le monde qui nous envie ? On va rire de nous. Marthe, déshonorée, quelle humiliation ! Il ne faut pas que cela soit. Comment l'empêcher ? En ne donnant pas au monde l'occasion de parler, en ne lui permettant pas de savoir la vérité. Est-ce possible ? Je le crois. Au moins, il faut le tenter. » En ce moment, Clara entra dans la chambre. « Monsieur le vicomte de Saint-Austrobert, » dit-elle, bien arrivée. « Il est au salon avec monsieur de Mériol. Dites à ces messieurs que nous descendons, » commanda madame Daunis, qui avait tout son sang-froid. « Monsieur de Saint-Austrobert, » dit monsieur Daunis, lorsque Clara fut sortie, « comment lui apprendre la vérité ?»« Quand je vous disais tout à l'heure, » continua madame Daunis, sans répondre directement, « qu'il ne fallait pas permettre au monde d'apprendre la vérité, je pensais à faire un voyage. Marthe serait censée m'accompagner et son absence aurait une explication toute naturelle. Je puis partir immédiatement, je ne reviendrai que quand Marthe reviendra elle-même. Me quitter, vous aussi, en ce moment ? N'est-ce pas le seul moyen pour dérouter la médisance ? Et où voulez-vous aller ? Je ne sais pas, n'importe où, dans un village des Pyrénées, où nous n'aurions pas d'indiscrétion à craindre, ou bien dans un village de la côte de Normandie, où personne ne nous connaît. Mais le lieu est de peu d'importance, c'est de votre détermination qu'il s'agit. Guidez-moi, car je suis incapable de me conduire moi-même en ce moment. La présence de Saint-Austrobert m'enlève ma raison. On peut dire que Marthe est souffrante. Tromper le monde, oui, j'y consens. Mais tromper monsieur de Saint-Austrobert est impossible. Ce serait une infamie dont je ne me rendrais pas coupable, au prix même de la vie. Il faut qu'il sache tout. C'est de son bonheur et de son honneur qu'il s'agit. Voulez-vous lui montrer cette lettre ? Non. Mais je dois lui dire que Marthe a quitté ma maison parce qu'elle ne veut pas l'épouser, que je ne sais pas où elle s'est réfugiée. Il me semble que c'est là ce que je dois faire, et si terrible que cela soit, je le ferai. Descendons. Remettez-vous. Oui, je tâcherai. Parlez tout d'abord, occupez-les, essayez de les distraire, si vous en avez la force. Pendant ce temps, je reprendrai ma raison. Oh, Marthe, Marthe ! Madame Denise lui met la main sur la bouche. Ne l'accablez pas. L'amour est terriblement puissant dans un cœur passionné. C'est l'indulgence qui dicte vos paroles, mais hélas, je ne vous vaux pas, et c'est la colère qui parle en moi. Madame Denise entra la première dans le salon, et après avoir serré la main de Saint-Austrobert, elle fit un signe à monsieur de Mériol pour lui dire qu'elle avait à lui parler. Celui-ci, croyant qu'il fallait prendre un air assuré et détourner les soupçons, ne trouva rien de mieux à dire que de demander des nouvelles de Marthe. « Elle est souffrante, » dit madame Denise. « Elle ne peut pas descendre. » À ce mot, Saint-Austrobert ouvrit l'oreille et, remarquant l'air bouleversé de monsieur Denis, il se dit qu'une scène avait sans doute eu lieu entre le père et la fille, et que par suite, Marthe ne voulait pas descendre. Comme il s'attendait à quelque chose de décisif, il ne fut pas surpris, et en réalité, il aima mieux cette abstention de Marthe qu'une nouvelle explication avec elle. Madame Denis regarda son mari, et le voyant résolu dans son émotion, elle tendit la main à monsieur de Mériol. « Voulez-vous m'offrir votre bras, » dit-elle, « que je vous consulte pour mon jardin. » Puis, sortant du salon, serrée contre lui, elle se haussa vers son oreille. « Où voulez-vous aller ? » dit-elle. « Au bord de la mer, en Normandie, dans les Pyrénées ?» Il la regarda, interdit. « Je parle sérieusement. Je puis passer quelques jours de liberté avec vous seul. Où voulez-vous que nous les passions ? Vous savez que je suis stupide. Vous n'avez pas besoin de comprendre, je vous expliquerai plus tard. » Pour le moment, vous n'avez qu'à me dire où vous voulez aller, où vous voudrez. Bien, en Normandie alors. Tout à l'heure, en rentrant dans la salle à manger, vous annoncerez votre départ pour l'Angleterre. Départ arrêté depuis 8 jours déjà, n'oubliez pas cela. Et vous n'êtes venu aujourd'hui ici que pour nous l'annoncer. Monsieur Denis, resté seul avec Saint-Austrobert, eut un moment d'hésitation douloureuse. Mais bientôt, relevant la tête, il vint se placer en face du vicomte. Madame Denis vous a dit tout à l'heure que Marthe était souffrante. Cela est une excuse bonne pour le monde. La vérité est que ma fille a quitté ma maison, cette maison, pour s'enfuir je ne sais où. Tout ce que je puis affirmer, c'est qu'elle n'a pas rejoint la personne dont vous m'avez parlé. Elle s'est résolue à cet acte coupable parce qu'elle refuse de ratifier l'engagement que j'ai pris envers vous. Monsieur le vicomte, je vous rends donc votre parole et je vous demande d'accueillir les excuses d'un père désolé, les regrets d'un ami. En écoutant ce discours débité d'une voix brisée, que la volonté seule soutenait, Saint-Austrobert demeura stupéfié. Marthe s'était sauvée. De toutes les probabilités qui s'étaient présentées à son esprit, c'était la plus invraisemblable qui précisément se réalisait. Cela le démonta un moment, mais après quelques secondes de réflexion, il se remit. « Les paroles que vous venez de prononcer, dit-il lentement en pesant les mots, sont de l'homme loyal par excellence. Ma douleur est si profonde, ma stupéfaction est si grande, que je ne sais que répondre. Cependant, il y a une chose que je veux vous dire, c'est que je ne reprends pas ma parole et ne vous rends pas votre engagement aujourd'hui, monsieur le vicomte. Ce qui s'est passé, je n'en sais rien, mais il m'est impossible de soupçonner mademoiselle Marthe. Avant de la juger, sachons la vérité. Alors, nous parlerons librement. Pour aujourd'hui, nous n'avons qu'une chose à faire, la retrouver. Et c'est la mission que je vous prie de me confier, mon cher monsieur Daunis, mon ami, mon père. » Et il se jeta dans les bras de monsieur Daunis, qui suffoquait.